Activité 10, 11 et 12. Donc, vous voulez déposer une plainte. Alors, nous sommes le 18 mars. Vous allez m'expliquer exactement comment ça s'est passé et je vais enregistrer votre déclaration. Alors, vous m'avez dit, il s'agit d'un vol, n'est-ce pas ? Oui, je me suis fait arracher mon portable. Dites-moi précisément où et quand vous vous êtes fait voler votre téléphone. Devant la gare, il y a une demi-heure environ. En fait, c'était à 18h10 exactement. Je venais de descendre du train. Devant la gare. Pouvez-vous me raconter les faits exacts ? Avez-vous vu le voleur ? Vous vous êtes fait agresser ? Non, ils ne m'ont pas agressé. Ils m'ont arraché mon portable. Tout s'est passé très vite. J'ai entendu la moto. Elle arrivait à toute vitesse derrière moi et voilà. Je les ai vus, mais je n'ai pas pu les rattraper. Vous dites que vous les avez vus ? Donc ils étaient deux, n'est-ce pas ? Deux hommes ? Eh bien, c'est difficile à dire. Ils portaient un casque et ça a été très vite. Mais la femme que j'ai aperçue à l'arrière... Pourquoi dites-vous que c'était une femme ? Eh bien, elle avait des cheveux longs, blonds, qui dépassaient du casque. Et puis elle avait l'air petite. Les casques, les vêtements, vous les avez mémorisés ? Ah oui. Elle avait un casque avec des dessins rouges, un blouson noir... Mais le conducteur, je ne sais pas. Bon, il y a déjà eu plusieurs vols à l'arraché dans le quartier. Votre description correspond avec le témoignage des autres victimes. On va lancer un signalement pour retrouver les malfaiteurs. Voilà, vous pouvez signer la déclaration. Merci. Ah, j'allais oublier. La moto, je l'ai reconnue, parce que j'ai la même. C'est une Honda, une NC700. Ah, très bien. C'est une information précieuse.